Après, je suis mariée dedans. Je suis à Thierry, à Saint-Maurice. En quelle année? 62. 15 septembre 62. D'accord. Et... Et là, maintenant, donc, retraité. Retraité, effectivement. Veuf. Veuf, et puis t'es en éloisir, quoi. Et donc, vous avez exploité de quelle année à quelle année? De 67. Ah, la retraite, alors, jusqu'à mes 60 ans. D'accord. Mon mari, lui, a travaillé à l'extérieur chez Delomo. Ah oui. Chez Delomo, et il a travaillé aussi chez Spafel, je crois. Oui, le paysage. Non, non, pas Spafel, travaux publics aussi. Travaux publics, oui. Et Carreau de Carré, la gendarmerie de Briec a été commencée par lui.